l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Égyptomanie, une très longue histoire, une passion que ne partage pas le journal Le Messager du Midi, le 8 mai 1850. C'est aujourd'hui la grande fête égyptienne pour l'anniversaire de la proclamation de la République française. Quand je dis égyptienne, c'est qu'en effet, si Champollion revenait au monde, il se croirait transporté dans la fameuse Crocodilopolis, mais oui, Crocodilopolis. C'est le journaliste qui s'inquiète. Pourquoi me direz-vous, cette fête est-elle égyptienne? Je n'en sais rien, ni les ordonnateurs et les entrepreneurs non plus. Le peuple, à défaut de spectacles plus réjouissants et surtout plus nationaux, se contentera du spectacle égyptien et païen qu'on va lui donner. C'est la France qui paie les frais de cette égyptomanie. Oui, le journaliste du Messager du Midi n'est pas content, mais peu importe, la passion Égypte n'a pas de prix. Frédéric Mougenot, bonjour. Bonjour. Il est possible de visiter l'Égypte en traversant les villes européennes. Il y a tant et tant de traces d'Égypte partout dans nos villes. Oui, c'est vrai. Il y a des traces, des souvenirs en quelque sorte, des ricochets de l'Égypte un peu partout dans les rues des villes d'Europe, mais aussi en Amérique du Nord et même dans beaucoup d'endroits dans le monde, jusqu'en Amérique du Sud. Et c'est une Égypte un peu déformée, forcément, qui est passée par le crible de notre regard occidental sur l'Égypte et souvent d'un regard du 19e siècle ou du début du 20e siècle, notamment. Et ce qui est passionnant dans cette égyptomanie, dans ce regard porté sur l'Égypte, c'est que nous sommes sur une très longue période. Ce que nous venons de dire là pour les villes européennes et plus américaines est valable aussi pour l'Antiquité, pour Rome, par exemple. Notamment pour Rome, principalement Rome en fait, puisqu'effectivement les empereurs romains ont enlevé d'Égypte un certain nombre de monuments pour agrémenter et contribuer à la monumentalité de Rome, de la capitale, notamment des obélisques. Aujourd'hui, il y a plus d'obélisques en Italie qu'en Égypte, d'obélisques debout. Les cultes, il faut dire aussi que les cultes égyptiens implantés à Rome dans l'Antiquité, notamment le culte d'Isis et de Sérapis, ont excité ce sentiment, ce goût pour l'Égypte dans l'Antiquité romaine, dans la péninsule italienne et en fait dans toute l'Europe romanisée également. Si bien qu'au XVIe siècle, à partir de la Renaissance, les grands travaux effectués notamment par les papes à Rome font ressortir des antiquités égyptiennes et qui déclenchent un petit peu l'étincelle du renouveau égyptien, égyptomaniaque en Europe. C'est intéressant de voir cette égyptomanie chez les Romains de l'Antiquité qui ressurgit à la Renaissance. Et oui, tout est là. Mercedes Bollet, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir à cette égyptomanie, à cette passion pour l'Égypte, il y a quand même une mise en garde à tout de suite apporter. L'Égypte antique fascine. Il n'y a pas que l'Égypte antique. C'est une histoire qui se construit sur un temps très long et qui prend la totalité de l'histoire égyptienne. Oui, absolument. Et moi, je me suis notamment intéressé à des personnalités du Second Empire qui ont été attirées au Caire hein, au moment de la modernisation de la ville. Ils y ont contribué très largement en tant qu'architecte ou en tant que patron d'œuvres importantes. Et alors eux, c'est l'Égypte, disons médiévale, islamique, qui les intéresse. Et c'est grâce à ces grands collectionneurs d'art islamique, en fait, que nous avons les premiers départements d'art islamique en France. Donc voilà, effectivement, on tend à oublier quand on parle d'égyptomanie que l'Égypte, il n'y a pas que l'Égypte ancienne, il y a aussi l'Égypte copte, il y a aussi l'Égypte musulmane, l'Égypte ottomane, et que les Français ont aussi participé à la connaissance de cette Égypte-là, de cette autre Égypte, disons. Les Français, parce que évidemment nous parlons d'où nous sommes bien souvent, mais il faut savoir porter le regard ailleurs pour comprendre des mouvements aussi larges. Frédéric Mougenot, le regard français est important, mais le regard britannique aussi essentiellement par la relation très forte qu'il y a avec l'Égypte. Effectivement, les Britanniques, comme les Français, à la fin du XVIIIe siècle, s'intéressent énormément à l'Égypte pour des raisons stratégiques, commerciales, et comme les Français, s'investissent dans la recherche archéologique et égyptologique dès les commencements. Mais cette recherche, c'est surtout l'Égypte antique, cette recherche-là. La première recherche est la plus forte ancienneté possible. À ma connaissance, oui. Mais Mercedes Volé aura peut-être un autre regard. Il s'intéresse effectivement à l'Égypte antique dès le début, avec notamment les prises de guerre prises sur l'expédition de Bonaparte en Égypte, puisque l'expédition se solde par un échec militaire en 1801, et donc les Anglais récupèrent les antiquités que les Français prévoyaient d'emporter au Louvre. La pierre de Rosette. Voilà. Et toujours à Londres. Quel déchirement. Mercedes Volet, vous êtes d'accord avec cette idée-là ou vous voulez la nuancer? L'idée que, eh bien, dans cette quête d'antiquité, l'intérêt premier se porte sur l'Égypte antique, mais serait-ce que par le côté monumental, peut-être, de ce qui est proposé? Oui, mais si vous regardez les planches de la description de l'Égypte, par exemple, donc c'est cette énorme œuvre qui fait suite à l'expédition d'Égypte, on a quand même un volume entier qui concerne l'État moderne. Et dans l'État moderne, jusqu'à présent d'ailleurs, les documents qui sont produits, que ça soit la carte du Caire, que ça soit, je veux dire, le relevé des grandes maisons ottomanes qui existaient encore, que ça soit les métiers, jusqu'à aujourd'hui, ça sert de source à la connaissance de l'Égypte. Donc au risque de dire quelque chose qui va paraître un peu iconoclaste, je pense qu'il y a une espèce de rapt des spécialistes de l'Égypte ancienne sur l'Égypte. Et ce qui fait que, je veux dire, moi, quand on m'interroge, je dois toujours justifier que je travaille sur l'Égypte, mais pas sur l'Égypte ancienne. Donc, il y a un succès, là, phénoménal, de l'Égypte ancienne, mais qui tend à écraser tout le reste, alors que tout le reste a été présent. Je veux dire, on peut parler de voyageurs du 16e, 17e siècle, 18e siècle, qui se sont intéressés aussi aux mosquées du Caire. Enfin, il y a toute une autre histoire de l'Égypte qui, pour moi, existe. Hein. C'est très pertinent ce que vous dites là, parce que la description de l'Égypte, cette énorme publication, nous la réduisons à l'Égypte antique, et il suffit en fait d'ouvrir le regard ou d'avoir quelqu'un, bah vous par exemple, Mercedes Volet, pour nous ouvrir les yeux sur certains passages de cette description de l'Égypte. Frédéric Mougenot. Oui, je voulais réagir en disant que je trouve que le terme de rapt de l'Égypte par l'Antiquité est assez juste, et ça se retrouve jusqu'au nom de la discipline égyptologie, qui est la science, le discours sur l'Égypte, et qui en fait désigne surtout l'Égypte pharaonique, au détriment, en mettant de l'ombre complètement sur tout ce qui se passe après. Et donc voilà, j'adhère à cette... Malheureusement, je contribue à ça, mais j'essaie aussi de dire que je préfère qu'on parle justement de la civilisation, d'Égypte pharaonique, de parler de spécialistes de l'Égypte pharaonique plutôt que égyptologue, parce que c'est trop vaste. Frédéric Mougenot, vous êtes conservateur du patrimoine, c'est les collections antiquités céramiques du Palais des Beaux-Arts de Lille. Vous êtes commissaire d'une exposition Pharaon Superstar au MUCEM à Marseille. Pharaon Superstar, tout est déjà dans le nom de cette exposition. Nous sommes dans l'Égypte antique avec les pharaons, et le superstar, c'est l'égyptomanie. Voilà, c'est effectivement, merci, tout est dit dans le titre, tout est résumé dans le titre. Il y a effectivement cette curiosité dans ce titre-là, cet anachronisme entre les pharaons, donc les souverains d'une civilisation de l'Égypte qui est finalement assez exotique, qui nous semble très proche, mais qui est éloignée géographiquement et culturellement. On n'est pas la même civilisation. Et Superstar, le contemporain, et la présence, l'omniprésence des pharaons dans notre culture générale, les arts visuels, la musique populaire et savante, et tout, voilà, tout notre environnement. Mais il y a deux histoires à raconter. Il y a l'histoire des pharaons et il y a l'histoire de la passion pour les pharaons. Ces deux histoires se mêlent. C'est ça, en fait, qu'il faut tresser. Exactement. C'est quels pharaons sont connus à l'époque de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, puis dans notre société, jusqu'à notre société aujourd'hui du XXIe siècle, ces pharaons qui ont eu leur existence historique, aujourd'hui, que sont-ils devenus et pourquoi ceux-là, on les retient et pas d'autres? Aujourd'hui, si l'on demande un nom de pharaon, Ramsès arrive bien souvent et Toutankhamon. Ce n'était pas le cas auparavant? Il y avait d'autres noms? Tout à fait. C'est ce que va montrer l'exposition, que ces noms changent selon les époques. En fait, si on pouvait faire, imaginons qu'on puisse faire un micro-trottoir au XVIIe siècle en Italie, en Allemagne, en France, dans un quartier plutôt d'étudiants, on va dire. Si on demandait des noms de pharaons et de reines de l'Égypte ancienne, on nous parlerait probablement de Psamétique, Amasis, évidemment Cléopâtre, qui reste la superstar à travers les âges. Et ces noms-là sont connus grâce aux auteurs gréco-romains et ou à la Bible. Et alors qu'aujourd'hui, l'archéologie a fait, depuis le début du XXe siècle, enfin depuis le XIXe siècle, a même fait revenir d'autres pharaons sur le devant de la scène. Et puis, vous citez Cléopâtre, reine d'Égypte. Il y a les pharaons, il y a les rois d'Égypte. Il ne faut pas tout confondre, on le sait bien. Il y a cette fusion de civilisations, Cléopâtre et grecque, elle est égyptienne dans notre imaginaire, mais elle est grecque. Et bien sûr, Cléopâtre se trouve face à César. Mais j'ai pu te prouver n'importe quand, ô César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie. Ah ouais? Et comment? En dessinant des bonhommes de face? Non, en te faisant construire un palais, par exemple. Franchement, c'est bon, un palais, j'ai tout ce qu'il faut à Rome. Eh bien, tu en auras un autre ici, à Alexandrie. Comme ça, quand tu viendras en province, tu sauras où dormir. À la différence qu'il sera bien plus vaste et plus somptueux que tous les palais que tu as jamais eus. Plus vaste et plus somptueux que le César Palace? Je demande à voir. Tu verras. Rome s'est pas construite en un jour. La verrai quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Le dernier, c'est un petit chat. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat en 2002, avec cette rencontre, cette rivalité entre Rome et l'Égypte. Frédéric Mougenot, il faut déjà rappeler combien pour des Romains, pour un César. César, les pyramides, c'est déjà des antiquités mais presque indatables, inimaginables. Ça semble déjà extrêmement vieux. C'est exactement ça. À l'époque de César, donc le 1er siècle avant notre ère, les Égyptiens eux-mêmes se souvenaient plus ou moins de qui avait bâti les grandes pyramides de Gizeh. L'historien Diodore de Sicile se fait le témoin de cette hésitation. Il donne plusieurs interprétations. Et il faut effectivement se rappeler, comprendre que entre le règne de Khéops, qui a construit donc la plus grande des pyramides, et le règne de Cléopâtre, il s'est passé plus de temps qu'entre le règne de Cléopâtre et aujourd'hui 2022. Ce qui donne un peu le tournis et nous permet de comprendre un peu la durée de cette civilisation pharaonique qui, évidemment, émerveillait et perturbait les Romains et le monde entier qui découvre l'Égypte. Et une civilisation qui n'est jamais oubliée. Au Moyen-Âge encore, cette civilisation demeure dans les mémoires. Là aussi, sans doute avec une autre lecture de ce qui s'est passé là-bas, en Égypte, au loin. Alors l'Égypte, effectivement, le souvenir de l'Égypte antique, pharaonique, subsiste à travers le Moyen-Âge, un peu en sous-marin, notamment à travers quelques figures pharaoniques, comme le roi Nectanébo, qui est un personnage semi-légendaire qui s'inspire de Nectanébo II, le dernier pharaon égyptien à avoir régné sur l'Égypte, qui a été vaincu par les Perses, qui eux-mêmes ont été défaits par Alexandre le Grand. Et une légende qui naît à Alexandrie, probablement à l'époque ptolémaïque, donc sous le règne de la famille de Cléopâtre, cette légende raconte que Nectanébo se serait enfui d'Égypte en voyant arriver les Perses et se serait réfugié en Macédoine, donc dans la capitale de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Là, il aurait séduit la reine Olympias, et de leur union serait né Alexandre, qui, en revenant en Égypte, en conquérant l'Égypte, reprenait en fait son héritage. Et avec la popularité d'Alexandre, c'est une figure très connue des savants et des lettrés à travers tout le Moyen-Âge, la figure de Nectanébo reste là. Alors que quand on étudie l'Égypte à l'université, Nectanébo II, c'est le dernier, c'est un peu le perdant par excellence. Et là, il a quand même réussi sa vengeance. Oui, il a été un peu mis de côté. C'est vrai, il apparaît pas tant que ça aujourd'hui si on doit faire une liste des pharaons. Mais pour le Moyen-Âge, il y a aussi l'importance d'une lecture biblique de cette histoire. Exactement. Oui, j'y venais. C'est la figure de roi d'Égypte que virtuellement toute la chrétienté et tout l'islam connaît, ce sont ces rois que rencontrent les patriarches dans la Bible ou dans le Coran, et notamment le plus connu d'entre eux est le roi que la Bible appelle simplement Pharaon, le roi de l'Exode qui s'oppose à Moïse et qui est vaincu par Dieu. Oui, c'est celui-là, bien sûr, qui reste dans les mémoires. Avec la même question pour vous, Mercedes Volet, sur cette Égypte antique, quelle mémoire en reste-t-il? Mais au Caire, que vous connaissez si bien, au Moyen-Âge, quand le Caire, dès le XIIIe siècle, est sous, j'allais dire, la domination, sous le pouvoir des Mamelouks, eh bien, quelle mémoire de ces grands bâtiments que l'on voit encore? Ils sont là. Alors, c'est pas tout à fait ma période, mais ce qui est intéressant quand même, et c'est de plus en plus connu, c'est qu'il y a des pierres de remploi qui donc datent de l'époque pharaonique, qui sont utilisées dans la construction des mosquées. D'ailleurs, certaines de ces, et souvent comme seuil. Il y a un pouvoir, enfin c'est des talismans hein, d'une certaine manière, ça protège contre les mauvais génies, et sur certaines de ces pierres il y a aussi de l'iconographie, des hiéroglyphes en forme, avec une iconographie figurative, et ça c'est très intéressant de voir comment finalement, je veux dire, ces pierres venues de l'Égypte antique ont continué à avoir une existence à l'époque médiévale, au cœur même de ce qui est l'islam, c'est-à-dire l'architecture des mosquées. Et on en trouve énormément. Énormément. Et c'est vrai qu'il y a cette question de la figuration, mais qui vaut dans tous les cas. L'Égypte antique nous a livré énormément d'images. Alors, dans un monde musulman, l'image est considérée comme un problème, ce qu'il ne l'est pas tant que ça, puisque le monde musulman produit énormément d'images. Ces images-là correspondent bien, mais comment dire, notre fascination d'aujourd'hui pour l'Égypte antique est celle aussi de ceux qui se trouvent au Caire et qui cherchent à comprendre ce mystère. Mercedes Volet, à quel moment trouve-t-on un intérêt pour toutes ces antiquités qui sont dans cet environnement très particulier en Égypte? Alors, je ne sais pas à quel moment on peut faire, quelle connaissance on peut avoir de ça, mais j'ai en tête plusieurs exemples. Par exemple, j'ai un collègue historien qui vient d'éditer un manuscrit d'un poète, Mustafa al-Nagari, qui écrit quelque chose sur l'histoire primordiale de l'Égypte, et pour dater, alors c'est une histoire assez compliquée, c'est des problèmes de chronologie, mais ce qui est intéressant, c'est que pour sa chronologie, il utilise justement, il fait référence aux travaux des égyptologues français, et il s'en sert pour raconter sa propre histoire. C'est-à-dire, c'est pas tant l'égyptologie ou l'Égypte ancienne qui l'intéresse, mais comment ce savoir sur l'Égypte ancienne peut permettre de repenser une chronologie primordiale de l'Égypte. Donc ça, c'est les années 1870. On a des traces comme ça au fur et à mesure. Alors évidemment, après, des traces dans l'architecture, et ça, c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres. Il y a une coïncidence de date qui est assez forte, qui est que l'Égypte gagne une forme d'indépendance en février 1922, et la même année, 6 mois plus tard, novembre, on découvre Toutankhamon. Donc il y a une espèce de conjonction là qui fait que du coup, pendant pas mal de temps, cette nouvelle Égypte, cette nouvelle monarchie constitutionnelle va s'exprimer dans la pierre par une référence à l'architecture des pharaons, remixée à travers le filtre de l'Égypte musulmane. Donc on a des syncrétismes, par exemple c'est le tombeau de Saad Zarloul qui en est le meilleur exemple au centre du Caire. Dans cette relation très complexe que nous pouvons entretenir avec ce passé lointain, il y a ce que vous venez d'évoquer, cette chronologie, cette volonté de comprendre. Dans ce monde égyptien, musulmans, il n'y a pas de relation faite avec cette continuité. La notion de rupture est quand même toujours indiquée. Oui, mais les Égyptiens se trouvent quand même dans une position particulière par rapport à ça, parce qu'ils ont toutes ces traces anciennes, et d'ailleurs eux-mêmes sont très fiers de dire que, ils ont 7000 ans d'histoire, hein, tout le monde vous le dit aujourd'hui, donc d'une certaine manière, il y a une forme c'est compliqué, parce que, en plus, l'Égypte ancienne est un monde païen. Au moment du tombeau de Saad Zarloul, il y a eu justement beaucoup de débats là-dessus. Comment est-ce que on fait un monument païen? Comment on utilise utilise une iconographie ou une morphologie païenne pour quelqu'un voilà, qui est un héros nationaliste, mais aussi musulman. Donc je pense qu'il y a tout un jeu permanent là-dessus, voilà, sur ça existe, c'est là, c'est présent, c'est familier, il y en a des traces partout, et en même temps on est à distance effectivement de cette civilisation-là. Frédéric Mougenot, c'est un peu toujours ces réflexions-là que l'on peut avoir avec l'égyptomanie. Cette conscience que cette civilisation n'est pas la nôtre si nous nous plaçons en Europe, mais malgré tout qu'elle est la nôtre. C'est une forme d'appropriation, c'est un jeu de va-et-vient, mais avec toujours un filtre, une distance. Oui, c'est vrai que on a l'impression, on considère que l'Égypte fait partie de notre bagage culturel. Je ne sais pas comment le dire. Le mot patrimoine est peut-être un peu trop fort, mais on se sent une grande proximité avec cette civilisation pour des tas de raisons. Depuis la naissance de l'égyptologie et de l'archéologie, qui a fait surgir beaucoup d'images. Vous avez dit que les Égyptiens nous les ont laissé énormément d'images, c'est vrai. Beaucoup d'images d'eux-mêmes, de leur vie quotidienne, même si on peut pas les prendre comme des photographies. On a l'impression vraiment d'être très proche d'eux parce qu'on voit ces scènes de travaux dans les champs, de vie à la maison. Et puis l'archéologie, le climat égyptien permet de conserver beaucoup d'objets de la vie quotidienne, des paniers, des choses qui sont extrêmement fragiles, du papyrus qui donne énormément d'informations. Donc on a pléthore d'informations sur la vie quotidienne et donc on peut se sentir très proche. Et en même temps, cette proximité, elle est aussi le fruit d'un héritage ancien qui passe par les érudits du Moyen-Âge, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, qui connaissent ce que les Grecs et les Romains ou les savants arabes du Moyen-Âge ont écrit sur l'Égypte ancienne. Et c'est vraiment ce lien, il n'est jamais rompu justement à travers l'héritage gréco-romain. Ce lien n'est jamais rompu à travers l'héritage gréco-romain, il se poursuit, il est toujours là au XVIIIe siècle, il s'amplifie avec la campagne de Bonaparte en Égypte, et malgré tout, ce lien qui est presque une évidence, parfois semble un peu rompu. Mademoiselle, vous travaillez dans une boutique qui se trouve place du Caire. Est-ce que vous savez ce que représente la maison que vous avez devant vous? Pas du tout, du tout. Il y a 2 ans qu'on est là et j'aimerais bien savoir justement pourquoi c'est fait comme ça. Je ne sais pas du tout alors. Pour moi, c'est un style égyptien, mais je ne saurais pas dire pourquoi c'est là. Hein. Parce que c'est la salle, alors c'est ce que je trouve bizarre. Et pourquoi est-ce égyptien? Bah, ça se voit enfin. Monsieur, vous travaillez dans un café qui se trouve place du Caire, au 2 de la place du Caire. Est-ce que oui. Vous savez ce que représente la maison dans laquelle vous travaillez? Elle a été faite par un propriétaire au temps de la campagne d'Égypte, parce que Napoléon avait un succès énorme à Paris pendant qu'il était là-bas. Et le propriétaire de l'immeuble, suivant le succès de l'époque, a fait construire la maison dans le style de l'Égypte, c'est pour ça. D'ailleurs, toutes les rues du quartier sont baptisées d'une ville ou d'une ville ou d'un fleuve d'Égypte, la rue du Nil, rue du Caire, rue d'Aboukir, tout ça. Tout ça. Nous étions en 1976 dans les après-midi de France Culture à évoquer la place du Caire, à Paris. Le monsieur, lui, savait de quoi il s'agissait. C'était après la campagne de Bonaparte en Égypte. Donc là, nous sommes au début du 19e siècle que cette place du Caire prend plein de symboles. Frédéric Mougenot, dans les réponses, parfois un peu hésitante, il y a malgré tout énormément de vérité avec le « enfin, ça se voit ». Parce qu'il y a ça aussi pour expliquer cette égyptomanie ou ce succès de l'égyptomanie. Ça se voit, c'est compréhensible. Oui, c'est un peu effectivement un mystère. Ça, c'est porté au crédit justement de cette égyptomanie. On l'a complètement intégrée au point qu'on arrive à identifier des choses qui sont égyptiennes sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. Il y a un vocabulaire formel qui fait Égypte, et ça depuis un moment. On le voit dès le XVIIIe siècle, certaines formes architecturales, des sphinx, des images, les pyramides évidemment. Il y a quelques codes comme ça qui sont presque des hiéroglyphes qui veulent dire, comme un tampon, Égypte. Et on les a intégrés, effectivement, à force de les fréquenter, à force de les voir, parce qu'effectivement, cette Égypte, elle est partout, depuis au moins le XIXe siècle. Mais malgré tout, cette Égypte-là, à travers le regard européen, est un condensé de toute l'Égypte. L'Égypte, c'est une histoire millénaire. Et l'égyptomanie a réduit l'Égypte à quelques clichés sans cesse véhiculés. Je reprends le titre de l'exposition au MUCEM, Pharaon Superstar, c'est ça aussi l'égyptomanie. C'est tout synthétisé et peu importe vraiment la chronologie, les pharaons, les rois, les reines, les vêtements et les monuments, c'est comme si Cléopâtre avait pu faire construire les pyramides. Oui, oui. Et la postérité, les légendes qui suivent l'Antiquité se privent pas d'attribuer à Cléopâtre des tas de monuments, des obélisques, des murailles, des bains. Dès qu'on voit quelque chose d'antique, on l'attribue à Cléopâtre parce que elle est plus connue que les autres. Et c'est vrai que cette égyptomanie fonctionne comme ça, des amalgames et une réduction à quelques signes qui font Égypte et qui sont immédiatement reconnaissables. Et la liste des quelques pharaons connus aujourd'hui dans notre culture générale marche de la même façon. Khéops, Ramsès, Néfertiti, Toutankhamon, ça, ils valent pour tous les autres pharaons. Et on le voit en fait dès le 19e siècle, dès qu'on a besoin de donner un nom à un pharaon, on l'appelle Ramsès parce que c'est le nom le plus connu. Le pharaon de l'Exode même, qui s'appelle pharaon seulement dans la Bible, sur la base de quelques indices dans le texte biblique lui-même où le mot Ramsès apparaît et par quelques concordances chronologiques plus ou moins étayées, on va chercher Ramsès pour être le pharaon de l'Exode, parce que c'est le roi le plus connu, le plus puissant, et donc c'est l'adversaire de Moïse et de Dieu qui est le plus valeureux. On va pas chercher un roi de clé peu connu du public. Non mais c'est passionnant de voir comment cette histoire égyptienne millénaire est condensée en quelques images, mais c'est une autre histoire. C'est ça aussi qui est intéressant, ce n'est pas à rejeter, c'est une toute autre histoire. Nous parlons bien sûr beaucoup de Cléopâtre, mais merci beaucoup Frédéric Mougenot d'avoir cité Néfertiti. Néfertiti, France Culture, reine païenne, le cours de l'histoire. Voilà, belle illustration de cette chanson. Donc c'est France Gall qui chante, mais Serge Gainsbourg a fait les paroles. On est en 1967, où il y a tout, hein, ce mythe-là. Mercedes Volet, dans ce mythe égyptien, bien sûr, quelle place a l'Égypte médiévale? Et je dis médiévale pour prendre un sens très large, parce qu'il y a des périodes mamelouques, il y a la période ottomane ensuite. Quelle place à cette Égypte-là? C'est une Égypte qui fascine. La ville du Caire demeure une référence exotique. Oui, et puis c'est quand même c'est un incroyable conservatoire d'architecture, hein, je veux dire, jusqu'à présent, même si beaucoup de monuments ont disparu, ont été et continuent à disparaître, mais c'est vrai que tous les gens qui arrivent au Caire, tous les voyageurs le disent, ils sont quand même fascinés. Donc l'Égypte médiévale, c'est une entrée d'une certaine manière dans l'architecture du monde islamique, hein. Et idem pour les objets, hein, l'Égypte fatimide, donc 10e, 11e, 12e siècle, a créé des objets absolument merveilleux. Pour beaucoup, les arts de l'islam, ou ce qu'on appelle l'islamophilie, en fait, elle commence au Caire, elle commence en Égypte, et c'est notre entrée aussi sur le monde de l'islam, et ça, c'est depuis quand même un certain temps. Oui, parce qu'il y a cet intérêt, et c'est ça qui est vraiment à souligner, vous l'avez dit pour la description de l'Égypte, hein, cette énorme parution après la campagne de Bonaparte en Égypte, l'art autre que de l'Égypte antique a sa place. Les visiteurs qui se rendent au Caire au 19e siècle cherchent aussi cela. Que cherchent-ils vraiment? C'est l'architecture, ce sont les objets? C'est d'abord l'architecture, je pense que les objets leur sont moins accessibles, hein, mais c'est d'abord l'architecture. Il y a une fascination, pour quand même ces très grands monuments, de très belles proportions, un art de la pierre, c'est très impressionnant. Et puis c'est un monde, cette architecture là, c'est un système d'une certaine manière. En quoi c'est un système? Parce que, par exemple, si vous pensez, à la forme cruciforme, si vous voulez, la plupart des, à la fois des mosquées, des collèges, mais même des maisons, sont bâties sur ce système, avec des iwans, avec des alcôves, ces plans cruciformes. Donc, il y a une espèce de systématique, dans cette production architecturale. Et parfois, il n'est pas nécessaire au 19e siècle de se rendre au Caire pour vivre cette émotion. Il suffit d'aller visiter l'exposition universelle à Paris. Paris en 1867. Nous y voici, en plein Orient par un miracle, sur les bords du Nil, au milieu des palmiers et des plantes grasses, au temps des pharaons. Engageons-nous dans l'avenue de Sphinx qui conduit au monument. Entrons. On nous y met toute l'Égypte antique sous les yeux. Des bas-reliefs estampés, des peintures calquées sur les originaux les plus précieux, des stèles, des bijoux fouillés dans l'or massif, des statues qui ont dormi pendant 30, 40 et 50 siècles dans des tombeaux, des momies dans leurs cercueils. Tout est choisi et rangé en une savante ordonnance. Au sortir du temple, on est devant un petit palais ciselé comme un bijou, non plus imposant par les belles proportions de sa masse, mais élégant. Un troisième édifice, enfin, s'élève un peu plus loin. Nous sommes dans un marché, dans un caravansérail moderne. Telle est dans son ensemble l'exposition égyptienne. L'exposition égyptienne à l'exposition universelle de 1867, qui est décrite par Charles Edmond Choyevski, qui est commissaire général pour le vice-roi d'Égypte à cette exposition. C'est une lecture de Daniel Königsberg dans Le cours de l'histoire. Mercedes Volet, très intéressant ce moment égyptien à l'exposition universelle, parce que tout est relié. Il y a les œuvres antiques, les monuments, mais il y a aussi le caravansérail. Et puis le palais vice-royal, donc, qui est un chef-d'œuvre d'une certaine manière d'architecture islamique moderne, je veux dire. Et en plus, dans les galeries commerciales, on vend aussi des éléments de ce travail du bois en particulier, puisque le thème de cette exposition était l'histoire du travail, hein, je veux dire. Donc chaque nation invitée présentait quelque chose qui représentait l'art du travail dans son propre pays. Donc oui, et puis c'est la première fois aussi où dans une exposition universelle les pays étaient représentés par des pavillons. Donc c'est la première fois qu'on peut voir ça de vrai à l'échelle, je dirais. Et ça, évidemment, et puis l'Égypte est au sommet de la gloire de Khedivial, je dirais, donc dépense des fortunes colossales pour faire émerger, enfin même c'est beaucoup plus grand que les pavillons de la Turquie, qui pourtant, je veux dire, voilà, dont l'Égypte est suzeraine, donc c'est vrai que l'Égypte dépend de l'Empire ottoman, donc de la Turquie, mais le vice-roi d'Égypte fait cette propagande folle. Nous sommes pour l'exposition 1867, c'est-à-dire 2 ans avant l'inauguration du canal de Suez, mais les travaux ont commencé et tout le monde en parle. Parce qu'il y a de ça, Mercedes Volet, dans cette passion égyptienne, c'est ce qui se passe en Égypte au 19e siècle, intéresse en Europe, avec des apports, des tentatives architecturales. Certains ont osé un peu importer cette mode égyptienne. Quels en sont les exemples ? Alors, malheureusement, peut-être moins que ce qui avait été pensé. Par exemple, moi, un architecte auquel je me suis intéressé, Ambroise Baudry, a quand même eu l'idée de construire une mosquée, elle n'a pas été réalisée, en plein cœur de Paris, sur le modèle de la mosquée Kait Bey, donc un chef-d'œuvre de la fin du 15e siècle. Voilà, mais il y a quand même un peu partout en Europe des traces de cette architecture-là, d'autant que, alors il y a évidemment la rue du Caire en 1889, hein, mais d'autant que il y a toute une industrie du moulage, hein, qui se met en place, hein, et qui permet à travers le moulage, en fait, de reproduire les ornements des monuments du Caire beaucoup plus facilement. Et donc, grâce à cette industrie du moulage, effectivement, on essaye de faire des décors intérieurs en particulier. La plupart ont disparu, mais il y a eu beaucoup de salons, effectivement, égyptiens, de chalets égyptiens faits avec des moucharabiés, etc. D'autant que souvent, les pavillons des expositions universelles étaient démontés pour être vendus et réinstallés ailleurs. Et donc ça prolongeait d'une certaine manière, l'intérêt porté à l'Égypte, pas seulement ancienne. À l'Égypte, pas seulement ancienne, et particulièrement l'architecture, vous nous l'avez dit, hein, Mercedes Volet. Et là, nous sommes dans des éléments de décoration, avec cet intérêt pour l'Égypte médiévale, mais encore après hein, l'Égypte ottomane, c'est aussi cet exotisme que l'on peut apporter à la maison. Il n'est pas besoin d'aller au Caire, parce que tout le monde connaît le Caire, ne serait-ce que par les gravures dans la presse, parce qu'ils en lisent. Donc il y a comme un, allez, j'ose le dire, un effet de mode autour de ce qui se passe en Égypte. Oui, oui, bien sûr. Et puis, je veux dire, il y a aussi tous les objets décoratifs. Hein, je veux dire, les lampes de mosquée que les céramistes français sont capables de reproduire au XIXe siècle, toute la faïence, enfin Théodore Deck, qui perce le secret de certaines couleurs de la céramique qui vient de ce monde-là. Donc, effectivement, on peut se procurer ces objets-là et les avoir chez soi, quoi. Frédéric Mougenot, vous êtes conservateur du patrimoine des collections antiques et céramiques au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc là, on parle de céramique et ça vous plaît, je vois frétiller. Dans le goût pour l'Égypte antique, nous sentons qu'il y a une double démarche. La démarche d'adaptation d'éléments, tout un jeu décoratif. Et puis, il y a la démarche du collectionneur, qui est encore autre chose. Et pour comprendre cette passion pour l'Égypte antique, cette égyptomanie, il faut mettre un peu de mystère. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Champollion réussit à déchiffrer les hiéroglyphes, mais le mystère du hiéroglyphe demeure présent. Le mystère de la momie aussi. C'est quelque chose qui porte cette passion. Oui, c'est quelque chose qui dure aussi depuis très longtemps, au moins depuis le XVIIIe siècle où il y a cet intérêt, notamment avec la franc-maçonnerie qui se développe, pour les mystères, tous les cultes à mystères et notamment les mystères égyptiens, les prétendus mystères égyptiens qui sont sans doute une altération très tardive de la religion égyptienne. Mais ce mystère, effectivement, ce que cachent les pyramides, ce que cachent les temples, la littérature arabe classique aussi, enjolive beaucoup, fantasme beaucoup ce qui se cache derrière les pyramides, derrière les murs des temples. Il y a beaucoup de livres qui parlent des perles et des trésors que sont censés cacher ces monuments. Et donc il y a ces mystères, ces trésors très matériels, et puis il y a un trésor plus immatériel, plus ésotérique, auquel l'Égypte est toujours associée depuis donc le 19e siècle, très très important au 19e siècle. Par exemple, le Mucem, donc que je connais bien aussi, conserve des archives du mage Edmond, qui est un mage qui a eu son heure de gloire dans la société de Paris du Second Empire. Et donc le Mucem conserve tous ses papiers, ses tarots dessinés par lui-même, ses recherches, et ses truffés de références à l'Égypte, voilà, dans un univers de divination et de magie. Et puis les années 20, donc comme l'a dit Mercedes Volé, on voit la découverte de la tombe de Toutankhamon et une nouvelle vague d'égyptomanie qui déferle pour le coup sur le monde entier. Et ce n'est pas anodin, les années 20 sont aussi une période où l'ésotérisme est très, très fertile, très fécond, et où les gens qui sortent de la Première Guerre mondiale ont envie de rêver, de trouver des sens que n'apportent pas les sciences ou les autres religions. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours extrêmement lié à travers, effectivement, les tarots, la divination et cet univers. On imagine que les pharaons et que les Égyptiens avaient un savoir, voilà, mystérieux auquel il faut être initié. Or, à vrai dire, la religion égyptienne est extrêmement, extrêmement terre à terre. Oui, c'est ça, c'est notre lecture de cette religion qui en fait quelque chose d'absolument magique. Et au moment d'évoquer la découverte du tombeau de Toutankhamon dans les années 1920, il faut tout de suite y associer le après, c'est la malédiction. Et dès lors, eh bien, le sujet est porteur pour tous ceux qui veulent créer et vendre plein de choses à succès. La malédiction, c'est au cœur même de cette histoire d'Égyptomanie. Oui, oui, et elle a participé à la célébrité de Toutankhamon. S'il n'y avait pas eu cette malédiction-là. Eh oui, attention, regardez, voilà une momie. Je voulais te parler de la momie. La momie ? D'Ananka, du tombeau. Elle est au musée britannique. Pas de la princesse, pas d'elle. De la momie vivante. J'ai peur de ne pas comprendre, père. La momie que j'ai ramenée à la vie en lisant le manuscrit. Et il n'y avait pas d'autre momie. Ne dis pas de bêtises, petit. J'étais là et je l'ai vu moi-même. Elle a surgi dès que j'ai prononcé les mots sacrés. Quels mots ? Ceux du manuscrit de la source de vie. Après 4000 ans, les mots sacrés du manuscrit lui ont redonné la vie. Elle nous hait, John. Elle nous hait pour avoir profané le tombeau de la princesse. Elle nous tuera. Elle nous tuera chacun de nous. Mais tous, il ne faut pas se fatiguer. Tous, tu ne dois plus penser à tout ça. Tous, il ne s'est rien passé ce jour-là. Tu le sais bien, voyons. Hein? Il s'est rien passé, il s'est rien passé. C'est quand même la malédiction des pharaons. Ça, c'est le titre français donné au film de Terence Fisher en 1959, The Mummy. La momie, la malédiction, la culture populaire. Frédéric Mougenot, le succès de cette Égypte antique, cette égyptomanie, s'explique aussi, j'ai l'impression, parce qu'elle touche tous les domaines de la création. Il y a cette passion Égypte sérieuse, l'égyptologie, la description de l'Égypte, et puis il y a ce qu'il y a de plus populaire. L'éventail est extrêmement large. C'est ça aussi ce qui fait que ces pharaons sont superstars. Oui, les pharaons plaisent, l'Égypte antique plaît, fascine, intrigue, c'est tout le sujet. La science archéologique, égyptologique, met à disposition en fait de tout le monde dans le domaine public en quelque sorte des connaissances, des images, des savoirs, des faits dont les artistes, les marchands, le commerce et la publicité a un rôle extrêmement important dans cette diffusion et dans la prolongation de cette Égypte fantasmée et tout un chacun peut s'emparer de ces éléments, surtout aussi aujourd'hui à l'heure d'Internet où l'information se diffuse extrêmement rapidement. Tout le monde peut s'en emparer pour en faire ce dont il a envie, besoin. Les pharaons et l'Égypte antique fait vraiment partie du domaine public. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'Égypte nous a livré tellement d'images du peuple égyptien, de la civilisation. On a tellement d'informations qu'on peut effectivement toujours trouver quelque chose qui résonne avec notre situation actuelle. Certains vont faire des documentaires sur des chaînes particulières pour expliquer que ce sont les extraterrestres E.T. qui a fabriqué les pyramides, et puis d'autres font des expositions. C'est votre cas, hein, Frédéric Mougenot, et c'est beaucoup plus sérieux, mais beaucoup plus intéressant, et autant de plaisir en plus. Cette démarche-là, Mercedes Volet, il y a toute cette histoire très longue de l'Égypte, de cette passion Égypte, et dans l'identité même, vous nous l'avez dit, de cette antériorité de civilisation, l'importance de l'Égypte antique se retrouve aujourd'hui en Égypte. C'est l'histoire du XXe siècle égyptien, cette égyptomanie, avec une forte identité nationale. Oui, absolument. Ça prend des formes très diverses. Les plus connues ces derniers temps, c'est depuis les printemps arabes, le fait que les manifestants, enfin beaucoup de manifestants, se soient servis d'une iconographie égyptienne pour exprimer quelque chose à la face du monde, parce que on joue aussi avec ça. Hein. Comme on sait que les Européens, les Occidentaux sont friands de ça, on parle leur même langage. Mais je pense à des cas peut-être un peu moins connus, mais qui sont tout à fait intéressants. Je pense à l'architecte Hassan Fathi, par exemple, qui était le pionnier de l'architecture en terre, hein, qui, dans les années 40, choisit de faire ses dessins en reprenant des codes de l'iconographie égyptienne. Et ça, c'est une volonté pour lui de s'inscrire dans cette histoire longue. Il y a une fierté égyptienne et une distinction égyptienne à être différente des autres personnes du monde arabe à cause de cette histoire très longue sur leur terre, même si effectivement c'est une histoire païenne et que les Arabes sont arrivés après, etc. Mais enfin, il y a quand même ce lien. Puis avec ces codes compréhensibles, parce qu'il y a cette fierté d'avoir les pharaons, mais le pharaon, et vous avez cité les printemps arabes, peut être là utilisé notamment pour qualifier Hosni Moubarak, qui devient dès lors celui que l'on doit dégager, parce qu'il est le pharaon. C'est en fait, un matériau extrêmement malléable, cette Égypte-là qui a été fantasmée par les uns et par les autres. Oui, oui, absolument. Et je crois qu'il me semble que l'un des premiers, c'est Anwar el-Sadat, qui lui-même se prenait pour Pharaon et jouait de ces codes-là. Il faut se rappeler aussi toute la diplomatie culturelle, tout le soft power qu'il y a eu autour de la promenade, enfin de l'itinérance de l'exposition Toutankhamon. Donc là encore, il y a tout un jeu diplomatique. Et les Égyptiens savent très bien jouer de ça aussi. C'est des fins diplomates. Hein. Et donc... moi, j'étais aussi très frappée en discutant avec des diplomates égyptiens qui, sur leur carte de visite, ont une iconographie égyptisante. Ça, c'est quand même extraordinaire, je veux dire. Donc, c'est pas une icône. Ils pourraient avoir des arabesques, des polygones, Eh ben non, ils ont le lotus en général. Ils ont une iconographie égyptisante parce que c'est aussi le langage commun avec le reste du monde. Donc, il y a là tout un jeu. Oui, je sens, Mercedes Volek, que ça vous ferait plaisir aussi qu'il y ait de l'iconographie ottomane un petit peu sur les cartes de visite. Ce serait pas mal. Frédéric, justement sur ce sujet, il est connu qu'en Égypte, depuis au moins les années 60-70, les billets de banque notamment ont donc deux faces, comme partout ailleurs, et une des faces comporte des images pharaoniques, de monuments et de statues très connues. Cette face est écrite en anglais, et l'autre face, écrite en arabe, comporte des images, notamment de mosquées, de monuments du Caire, de monuments islamiques du Caire. Et cette situation-là a fait dire que l'Égypte, quand elle s'adresse à l'étranger, met en avant l'Égypte pharaonique, le patrimoine pharaonique, mais pour s'adresser aux Égyptiens, surtout, il faut d'abord parler de l'islam. Et donc c'est sans doute un peu vrai, mais aussi ces billets montrent bien les deux faces qui est parfaitement intégrée par le peuple égyptien, enfin par l'Égypte, sont les deux piliers de la culture égyptienne et il n'y en a pas forcément un qui est plus important que l'autre, les deux cohabitent en permanence et cette image du billet de banque est très très importante parce que c'est aussi un objet du quotidien vraiment. Oui, et puis l'argent ne ment pas. Hein. nous le savons tous, mais c'est une très belle image parce que c'est vrai qu'un billet est obligatoirement avec deux faces. Bon, on va dire que ces billets sont un bon résumé de toute cette histoire, de cette passion Égypte, une passion qui est complexe tant elle est omniprésente dans notre monde. Donc il y a cette exposition au Mucem qui se prépare, c'est cette exposition Pharaon Superstar au Mucem à Marseille. Et puis Mercedes Volet, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Il y a toutes vos études sur le Caire, ce Caire dessiné, photographié par exemple au 19e siècle, ce Caire fantasmé. C'est un voyage en fait dans tous les cas, mais ne jamais oublier les deux faces du billet. Oui, oui, absolument. Ça, c'est aussi assez fascinant. Le Caire est une des villes qui a été le plus photographiée au 19e siècle. Ça a à voir avec le soleil, la lumière. Mais... merci le soleil et merci à tous les deux. Il est temps maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qui a vraiment trahi Anne Frank? Le génocide perpétré par les nazis contre les juifs est devenu un élément fondamental dans la mémoire collective universelle. Un repère essentiel pour tous ceux qui luttent pour faire reculer les discours de haine. Cette mémoire s'est consolidée dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale grâce à des livres comme le fameux journal d'Anne Frank. Sa famille avait quitté Francfort pour Amsterdam au cours de l'année 1933 afin d'échapper aux persécutions nazies à l'encontre des Juifs. En juillet 1942, l'occupation du pays par les troupes allemandes incita les Francs à se cacher dans un appartement secret aménagé dans une annexe de l'entreprise que dirigeait Otto Frank, le père d'Anne, âgé alors de 13 ans. Après 2 ans passés dans ce refuge, la famille fut arrêtée le 4 août 1944, puis déportée vers le centre d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. 7 mois après son arrestation, Anne mourut du typhus dans le camp de Bergen-Belsen. Anne Frank a débuté l'écriture de son journal le 12 juin 1942. Elle a poursuivi jusqu'au 1er août 1944, quelques jours avant l'arrestation de sa famille. Mais il n'a été publié qu'en 1947 grâce à son père. Ce texte pathétique, qui retrace le destin tragique d'une adolescente, a fait d'elle l'une des victimes emblématiques de la Shoah. Le 30 juillet 2009, le journal d'Anne Frank a été ajouté au registre de la mémoire du monde ouvert par l'UNESCO. Cette reconnaissance universelle n'a pas empêché que ce livre soit rapidement pris dans les conflits mémoriels qui concernent cette période de notre histoire. Ceux qui s'évertuent à nier l'existence des chambres à gaz et de la Shoah, qu'on appelle les négationnistes, ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux, une contrefaçon, rédigée par le père d'Anne Frank. Cette version a été relayée en France par Robert Forisson, qui a été condamné en 2006 pour négationnisme, mais elle a été réfutée par plusieurs enquêtes officielles qui ont confirmé l'authenticité du journal. Très récemment, l'ouvrage « Qui a trahi Anne Frank » de l'auteure canadienne Rosemary Sullivan a relancé les polémiques sur ce journal. Il ne s'agit plus cette fois d'en contester l'authenticité, mais de prouver que c'est un auteur juif, Arnold Vandenberg, qui a dénoncé la famille Frank à la police allemande. La publication de ce livre a fait l'objet d'un plan de communication redoutable. Il a été présenté comme le fruit d'un travail de 6 ans, dirigé par un ancien agent spécial du FBI, qui a réuni autour de lui une trentaine d'experts internationaux, policiers, psychologues, graphologues, criminologues et même des historiens. Mais les véritables spécialistes de la question ont publié un rapport à Amsterdam qui réfute les conclusions du livre en mettant en cause les interprétations erronées des sources. Finalement, l'éditeur hollandais a décidé d'abandonner la diffusion de l'ouvrage. On a là deux exemples de manipulation de l'histoire à des fins qui n'ont rien à voir avec la science. La première est d'ordre politique, au service des groupuscules d'extrême droite négationnistes. La seconde est principalement d'ordre mercantile, le but étant de faire du profit en exploitant la mémoire d'Anne Frank. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix. Émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.